Bonjour amis taureaux ou ascendant taureau, voilà votre tirage pour le mois d'août, donc à partir du 5 août, puisque on est le 5 août jusqu'à la fin du mois, que vous réserve donc ce mois d'août au niveau des amours. Eh bien regardez, je vais d'abord, ici ça demande quand même trois lectures, donc d'abord si vous êtes en couple et que votre couple n'allait pas bien, attention parce qu'il y a une rupture définitive qui est là, et par la suite... En début de mois plutôt, donc plutôt actuellement, et par la suite, eh bien, vous allez réfléchir, discuter, peut-être faire des rencontres et un nouveau départ, une nouvelle rencontre assez rapide peut se faire, ou en tout cas des invitations, des amitiés, des moments vraiment épanouissants pour vous. Vont vraiment vous réconcilier avec vous-même et vous faire du bien. Maintenant, je vous dis pas que vous allez vous réconcilier parce que ça, c'est quand même assez important comme rupture. Pour les couples pour qui tout allait bien, donc rassurez-vous, il est possible, en tout cas, que vous passiez un cap au niveau de votre couple, peut-être des difficultés importantes que vous avez rencontrées, peut-être pas dans le couple, mais extérieur au couple, mais que vous avez dû traverser ensemble. En tout cas, il y a une période un peu mouvementée, mais en début de mois d'août, mais par la suite, regardez, grâce, si votre couple allait bien et était solide, grâce à des discussions, alors chacun a réfléchi, on discute calmement, posément, avec maturité, et bien justement, du coup, dans la maison, il y a quoi? Une réconciliation, un rapprochement, une belle évolution et un mieux-être à la fin du mois. Donc, une belle évolution en tout cas pour vous si vous êtes en couple et que les choses allaient plutôt bien. Maintenant, si vous êtes célibataire, et bien à la suite d'une rupture importante, vous allez vraiment peut-être sans doute réussir à mettre cette rupture de côté ou aller vers autre chose, passer un cap par rapport à votre célibat. Et peut-être que le mois d'août va vous apporter ce moment de réflexion, de méditation, de discussion avec des amis aussi, une certaine mise au point sur votre vie amoureuse qui va vous permettre eh bien, d'évoluer. Donc de sortir, d'évoluer, de faire des rencontres, pourquoi pas une rencontre amoureuse, et en tout cas vous sentir vraiment mieux en fin de mois et faire redémarrer une évolution quand même importante de votre vie personnelle, de votre vie privée, avec beaucoup d'épanouissement de votre personne. Donc encore une fois, c'est possible qu'il y ait une rencontre amoureuse pour vous, célibataire, ce mois-ci. Et sinon, de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'août.